Ô toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve.